Devinez, devinez sa connerie. Devinez, devinez sa conne passée. Viens de je me lever, moi pas où est soleil. Viens de je me lever, moi pas où est la vie. Ma vie sans espoir. Ma prénom misère, moi pas cap séparé. Si c'était bonbon, tout petit monde t'a couvré. Comme c'est mal cité, mais tout le monde en dos. Viens de je me lever, moi pas cap aller. Ma vie sans espoir. Séparé. Si c'était bonbon, tout petit monde t'a coupé. Comme c'est mal cité, mais tout le monde en dort. Quand je me lever, moi pas capable. Ma vie sans espoir.